Je peux aller en face? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des cyclistes peuvent venir d'en face? Oui, réponse C. Non, réponse D.